Ce 1er avril, nous fêterons les 30 ans de l'ouverture au public de la pyramide du Louvre. Vous savez, un des derniers grands chantiers des pharaons de la 5e République. Aujourd'hui patrimoniale, la pyramide de Pei fut d'abord un scandale. Et même un complot. Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1984. Tout en vert, une pyramide trônera bientôt au centre de la cour Napoléon. La photo choc du projet vient d'être révélée en première page du quotidien France Soir. Avec ce titre, le nouveau Louvre fait déjà scandale. Le projet est audacieux et promet de nourrir une belle polémique à Paris entre les tenants de la tradition architecturale et les champions du modernisme. Il s'agit du projet de restructuration générale du Louvre, son élément le plus saillant, à la forme d'une pyramide de verre. Une pyramide de verre, plantée en plein cœur du patrimoine français, ce serait sacrilège, semble-t-il. On intente à la majesté des lieux, qui pourtant servent actuellement de parking. Depuis, c'est l'escalade haineuse. Le Figaro parle du degré zéro de l'architecture, le monde d'entonnoir ou de maison des morts. Quant à l'académicien Jean Dutour, il vient de lancer un appel à l'insurrection. Rien que ça. Certains commentateurs voient dans la pyramide une promotion de la franc-maçonnerie. Et une légende populaire transforme le nombre des 673 panneaux de verre en 666, alimentant des interprétations sataniques. Le 23 janvier dernier, lors de l'audition de l'architecte Léo Ming-Pei devant la Commission supérieure des monuments historiques, l'ambiance était au chahut, à la limite de l'invective. Que vient faire ici ce chinois d'Amérique avec son modèle archéo-moderne d'inspiration égyptienne, peut-on lire encore dans certains journaux ? Outre la xénophobie ambiante, outre la querelle esthétique entre anciens et modernes, c'est la personnalité et la personnification du pouvoir par le président François Mitterrand qui est bel et bien visé. Mitterramsès ou Tonton Camon. Un prince qui a surtout le malheur de s'attaquer au nerf du pouvoir, le ministère des gros sous, comme l'explique l'historien Laurent Martin. L'idée que le projet du Grand Louvre suppose aussi le déménagement du ministère de l'Économie et des Finances. Et ça, comme lobby, je dirais, très puissant et très sourcilleux sur ses attributions et prérogatives, c'est vraiment très important. Parce que, effectivement, rendre, comme Mitterrand le dit, le Louvre au musée, faire du Louvre exclusivement un musée, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'a jamais été le cas. Quand il dit « rendre », c'est comme s'il y avait eu un état précédent du Louvre où ça avait été le musée qui avait eu la propriété exclusive des lieux. En fait, c'est une erreur historique puisque ça n'a jamais été entièrement un musée. Et donc, faire du Louvre uniquement un musée supposait que ce ministère déménageât. Il y avait une sorte d'affaissement symbolique, hein, de déménager à l'est de Paris, de quitter le Palais des Rois. Ça avait été très mal vécu par l'administration en place. Symboliquement, c'est symboliquement. La culture qui est la reine du dispositif. Symboliquement, et les pouvoirs d'argent qui sont excentrés. Exactement. Monsieur Langdon ? Oui. Vous plaît notre pyramide ? Elle est magnifique. Un furoncle qui défigure Paris. Suivez-moi, je vous prie. La Commission supérieure des monuments historiques s'est déclarée pour, à 60% contre, à 40%. La maquette a été soumise à Jacques Chirac et à diverses personnalités parisiennes. Le pouvoir en place, Mitterrand et Lang, qui n'en poursuivent pas moins le projet, quand même s'inquiètent un peu de ces réactions. C'est quand même des sujets un peu sensibles, ça peut avoir un retentissement dans l'opinion, etc. Il y a toujours l'idée de on dépense des sommes faramineuses, j'allais dire pharaoniques, pour la culture, alors qu'il y a bien d'autres nécessités. L'axe favori, je dirais, de la droite dans les années 80 contre les grands travaux, c'est vraiment les dépenses. Donc Chirac, dans un premier temps, est sur cette ligne-là, mais assez vite va être retourné par des gens comme Pierre Boulez, par des gens comme Claude Pompidou, qui donc sont en bon terme avec Jacques Lang et François Mitterrand. Finalement, il va se laisser convaincre. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, trois décennies plus tard, c'est bien que la scandaleuse pyramide constitue aujourd'hui une vitrine du patrimoine et la troisième œuvre la plus appréciée du Louvre, après la Joconde et la Vénus de Milo. Mais aussi que la bataille s'est gagnée sur un terrain d'entente inattendu. La gauche mitterrandienne et la droite chiracienne unies dans le clan des modernes contre le clan giscardien des anciens. La politique se fait alors par la culture. Je suis de ceux qui croient profondément, et ceux qui le croient se retrouvent dans tous les camps, dans toutes les formations politiques, mais je suis de ceux qui croient qu'une politique culturelle est à la base de toute autre politique. Qu'il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu'ils sachent mieux avoir l'ambition de leur avenir. Apparaissant le soir de son élection devant la pyramide du Louvre, l'actuel président Emmanuel Macron se place donc dans une continuité symbolique. Mais serait-ce possible aujourd'hui de bâtir la pyramide de Pei ? Ce qui est aujourd'hui central dans le discours public et médiatique, c'est la question du petit patrimoine, c'est la question du financement difficile de ce patrimoine du quotidien, des lavoirs au calvaire, en passant par les églises. Bon, l'état des finances est tel aujourd'hui, la recherche d'économie est telle qu'on imagine mal un pouvoir aussi monarchique soit-il prendre le risque. Dans les années 80, la culture a donc pu s'imposer dans le palais des rois, à la place des finances. C'était avant que celles-ci ne prennent leur revanche.